طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، après avoir eu l'occasion, grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, d'aborder la lecture de plusieurs livres écrits par les ulama de l'islam, on va se lancer dans l'étude modeste de quelques règles et de quelques points liés à une adoration éminente qui n'est autre que le jeûne, en particulier le jeûne du mois de Ramadan, qui, comme il ne vous est pas caché, est un pilier parmi les piliers de l'islam. Et pour ce faire, on va entamer la lecture d'un livret qui est tiré des travaux du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, que j'avais eu l'occasion de résumer et de traduire il y a quelque temps de cela, dans le cadre de cours qui avaient été dispensés dans la mosquée dans laquelle nous nous trouvons, et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala d'en faire un lieu béni à partir duquel se diffuse le message authentique de l'islam, de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. Un lieu dans lequel puissent être exposés et expliqués les grands principes de cette religion liés à la croyance, à l'adoration, au comportement, aux relations, et ainsi de suite. Tout cela en conformité avec les principes de la religion, et tout cela en conformité avec le discours des ulama, pédagogues, les ulama de la sunna, rahimahumullah, qu'Allah leur fasse miséricorde, et qu'ils préservent ceux d'entre eux qui sont encore vivants, et qu'ils nous fassent profiter de leurs travaux. Wallahu al-muwaffiq. Donc on va se lancer dans la lecture de ce bref résumé. Et de temps à autre, on essaiera d'apporter quelques précisions, voire de temps à autre également certaines corrections. Wallahu al-musta'an. Et c'est d'Allah qu'on demande de l'aide. Naam, tafaddal Abdurrahim, essaie de lire. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que ses éloges et la paix soient sur son serviteur, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux qui les auront suivis dans le bien jusqu'au jour de la rétribution. Ce qui suit est le résultat écrit de cours dispensés de la mosquée Abu Darda de Gijan pendant le Ramadan de l'an 1432. Ils portèrent sur le jeûne du mois de Ramadan. On va essayer de le prononcer avec le ra. En français, on a l'habitude de le traduire avec ce qui serait équivalent à un rain, ce qui donne Ramadan, alors que c'est Ramadan. Au minimum, donc dire le Ramadan. Ils ne sont pas le fruit d'une recherche scientifique ou d'une étude comparative des avis des différentes écoles de fiqh, mais plutôt le résumé des travaux du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, notamment Asharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni'. Asharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni', qui n'est autre que le livre que vous voyez ici, notamment donc le sixième volume qui traite du jeûne du Ramadan. Il comporte 15 volumes. Et le sixième, il est entre autres consacré aux règles du jeûne. Donc c'est un livre très profitable, qui est le résultat du commentaire du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen du livre Zad al-Mustaqni', qui a ensuite été retranscrit et révisé par le Cheikh rahimahullah ta'ala. Un livre très important, Al-Sharh al-Mumti'. Et j'insiste donc sur le fait de vous montrer ces livres-là, car le fait de connaître les livres écrits par les ulémas de l'islam est quelque chose de très important, car c'est là le patrimoine qu'ils ont laissé. Rahimahumullah. Donc, Al-Sharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni'. Et d'autres ouvrages et livrets qui sont mentionnés, si Allah le veut, au fil des sujets abordés. Mon choix s'est orienté vers les travaux de ce cheikh pour les raisons suivantes. Il fait partie, selon le témoignage des hommes de science contemporains, des plus grands ulama de notre époque. Il accorda beaucoup d'attention à la recherche des avis les plus justes, en se basant sur les preuves du Coran et de la Sunna, dans les différentes questions religieuses sujettes à divergence. Il aborda des sujets propres à notre époque. Je demande à Allah qu'il fasse de cela une œuvre pieuse, sincèrement vouée à lui, et qu'il en fasse profiter le lecteur. Je lui demande également qu'il fasse miséricorde au Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen et à l'ensemble des ulamas de la Sunna et qu'il les récompense pour l'islam et les musulmans. Qu'Allah récompense également les frères qui ont accepté de réviser ce modeste travail et qui m'ont fait part de leurs remarques. Et que les éloges d'Allah soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'ensemble de ses compagnons et ceux qui les auront suivis jusqu'au jour dernier. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Non, donc ici c'est une brève introduction de ce modeste travail qui expose ce en quoi consiste ce livret que vous avez entre les mains. C'est le résultat écrit de cours dispensés donc dans la mosquée Abu Darda de Gijan, et ce n'est pas le fruit d'une recherche scientifique à proprement parler, ni d'une étude comparative des avis des différentes écoles de fiqh, mais plutôt le résumé des travaux du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. Le sujet du fiqh est un sujet très sensible. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe des divergences entre les ulama dans le domaine du fiqh. Donc le fait de se prononcer dans ce domaine-là n'est pas chose aisée. Surtout pour des débutants comme nous. Et il n'est pas de notre ressort de venir trancher entre les avis des ulama. C'est pour cela qu'il était opportun ici de choisir parmi ces ulama un savant qui a été reconnu comme tel, d'une part, en tant que savant, et ce sont les savants qui sont aptes à reconnaître qui est savant, et également qui a été reconnu par le fait d'avoir cherché les avis les plus justes et les plus proches de la preuve religieuse. Car, à notre échelle, nous avons besoin de connaître directement l'avis prépondérant, l'avis le plus juste, bien que cela reste quelque chose de relatif. Pourquoi? Car notre but dans l'apprentissage des règles, des adorations qui nous sont obligatoires d'accomplir, c'est de savoir comment les accomplir de la meilleure des manières. Donc le fait de passer par l'étude d'un résumé de fiqh qui serait en conformité avec une école de fiqh et dont l'auteur aurait avant tout cherché à exposer le madhab, à savoir l'école du fiqh, mais non pas forcément à exposer l'avis le plus proche des preuves religieuses, n'aurait pas forcément été opportun à notre niveau. Donc le but c'était ici d'arriver directement à l'avis le plus juste. C'est pour cela que les travaux de ce shir, chez Mohammed ibn Nasr al-Uthaymeen, ont été choisis. Les travaux d'un autre shir auraient pu l'être aussi. Mais il fallait faire un choix, et donc ce choix s'est orienté vers les travaux du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, du fait également que ces travaux sont très accessibles et que le Cheikh était reconnu par sa pédagogie et le fait qu'il a cherché à simplifier la science et à la rendre accessible au commun des musulmans. Jazakallahu khayra, qu'Allah le récompense en bien. Et également, comme j'ai pu le mentionner, le fait qu'il a abordé des sujets propres à notre époque. Rahimahullah. Qu'Allah récompense ce shir, ainsi que les frères qui ont accepté de réviser ce modeste travail et qui m'ont fait part de leurs remarques. Et c'est là l'occasion d'insister sur l'importance de l'entraide. Allah tabaraka wa ta'ala dit « Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wa al-udwan » Et entraidez-vous dans la crainte et la piété. Et ne vous entraidez pas dans le péché et la turpitude. Il est donc important de s'entraider. Et également, il est important d'insister sur la place qu'occupe le fait de se consulter mutuellement dans la religion. Et malheureusement, on constate qu'à notre époque, bon nombre de gens mettent de côté cette chose-là. Alors que le prophète, alayhi salatu wa salam, disait « Ne sera pas déçu quiconque aura consulté. » C'est-à-dire quiconque aura consulté quelqu'un qui est apte à le conseiller et à l'orienter. Également, le fait de consulter Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque tu entreprends de faire quelque chose, consulte Allah tabaraka wa ta'ala en lui demandant de t'assister et de te faciliter l'initiative que tu as entreprise si c'est un bien pour toi et de t'en écarter si jamais c'est un mal pour toi. C'est là quelque chose de très important. Et tu te rends compte que les ulama, de manière générale, ils font cette chose-là. Et malheureusement, les petits étudiants en sciences négligent cette chose-là. Donc il est important de ne pas négliger ce genre de choses-là et de s'inspirer du modèle des pieux, même si on n'en fait pas partie. Il est connu que les pieux prédécesseurs de cette communauté disaient « Tashabbah bil qawmi wa illam takum mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu » Cherche à ressembler aux pieux, même si tu n'en fais pas partie, car le fait de chercher à leur ressembler est une source de réussite. Et que les éloges d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, l'ensemble de ses compagnons. Et il aurait été opportun ici de mentionner sa famille. Et tu trouves que, de manière générale, les ulama, lorsqu'ils mentionnent les compagnons et qu'ils invoquent Allah tabaraka wa ta'ala d'accorder ses éloges au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons, ils le font également en faveur de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils le font en faveur des compagnons et c'est là une manière de répliquer au Rawafid, cette secte qui se réclame de l'islam, même si elle en est étrangère, et qui s'est déclarée ennemie des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de le faire en faveur de la famille du prophète alayhi salatu wa sallam, c'est là une manière de répliquer à An-Nawasib, qui est une secte qui se réclame de l'islam, et qui s'est déclarée ennemie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il est opportun de mentionner les deux. Également, en plus de mentionner les éloges, le fait d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala afin qu'il salue le prophète alayhi salatu wa sallam, l'ensemble de ses compagnons et sa famille. Donc peut-être qu'ici il aurait été plus opportun de dire et que les éloges d'Allah ainsi que le salut soient sur notre prophète Mohammed, l'ensemble de ses compagnons et sa famille et ceux qui les auront suivis jusqu'au jour dernier. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Naam. Essayez de continuer, essayez de parler plus fort pour que les frères t'entendent. Chapitre. Naam. Yassine, tu entends bien? Alhamdulillah. Chapitre. Notion sur le jeûne. La définition du jeûne et ses piliers. Le jeûne dans la langue arabe signifie l'abstention. Quant à son sens religieux, c'est s'abstenir de manger, de boire, ainsi que de l'ensemble des annulatifs de jeûne, du lever de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil avec l'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. 2. Les piliers du jeûne sont l'abstention de tous les annulatifs du jeûne. B. L'intention qui consiste à chercher par le jeûne à adorer Allah. Barakallahu fik. Donc on entame ici le premier chapitre relatif à l'exposé de certaines règles liées au jeûne. Ce chapitre concerne certaines notions liées au jeûne. Premièrement, nous allons aborder la définition du jeûne et ses piliers. Le jeûne dans la langue arabe, c'est al-imsak, que j'ai traduit ici par l'abstention, alors qu'en vérité, le terme qui correspond le plus serait l'abstinence. Il convient plus ici de dire l'abstinence. Donc dans la langue arabe, le jeûne, as-siyam, c'est l'abstinence. Quant à son sens religieux, c'est s'abstenir de manger, de boire, ainsi de l'ensemble des annulatifs du jeûne, du lever de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil, avec l'intention de se rapprocher d'Allah. Donc retiens ici, tu as l'abstinence, na'am, de manger, de boire, ainsi que de l'ensemble des annulatifs du jeûne. Et nous allons aborder ces annulatifs, incha'Allah ta'ala. Cette abstinence-là doit être effective à partir du lever de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil, avec l'intention de se rapprocher d'Allah. Cette précision-là, l'intention de se rapprocher d'Allah, cette précision-là est primordiale, même si certaines personnes omettent de la mentionner. Pourquoi elle est primordiale? Car il faut savoir que le jeûne, ce n'est pas la simple abstinence, le simple fait de s'abstenir. Ce n'est donc pas une simple habitude. Et il faut impérativement, barakallahu fik, que tu distingues ce qui relève de l'habitude de ce qui relève de l'adoration. Et il faut savoir que le jeûne, ce n'est pas une simple habitude que tu aurais hérité de tes ancêtres et que tu ferais donc une fois chaque année. Il est donc important de mentionner cette chose-là. Donc, il faut impérativement que tu aies à l'esprit, barakallahu fik, que tu es en train d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Et il faut que tu saches que derrière cette adoration, tu te dois de chercher à concrétiser le principe de taqwa, la crainte révérentielle, et ce, de manière générale, concernant l'ensemble de tes adorations. Allah tabaraka wa ta'ala a créé les djinns et les hommes pour qu'ils l'adorent. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et le premier ordre que tu trouves dans le Coran, dans Sourate Al-Baqarah, c'est lorsque Allah tabaraka wa ta'ala dit « Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. » Ô gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé et qui a créé ceux qui sont venus avant vous, afin que vous atteigniez la piété, la crainte révérentielle, « attaqwa ». Donc c'est ça le but qui est derrière cette sagesse pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a créé les djinns et les hommes. Le but qui réside dans l'adoration, c'est le fait de craindre Allah de manière révérentielle. Et particulièrement concernant le jeûne, Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Ya ayyuha alladhina amanu » كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui avez la foi, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui sont venus avant vous. Et encore une fois, afin que vous atteigniez la crainte révérentielle, at-taqwa. At-taqwa, ça a été défini par le ulama de différentes manières, et ces différentes définitions se rejoignent. La réalité de la taqwa, de la crainte révérentielle, c'est que tu places entre toi et la colère, le courroux, le châtiment, la punition d'Allah tabaraka wa ta'ala, une barrière. Et ce, en accomplissant ce qu'il t'a ordonné et en t'écartant de ce qu'il t'a interdit. La taqwa, la crainte révérentielle, elle a été définie par Talq ibn Habib, rahimahullahu ta'ala, comme étant le fait d'œuvrer par l'obéissance à Allah, en se basant sur une lumière venant d'Allah, en recherchant par là l'agrément d'Allah, la récompense d'Allah, et le fait de s'écarter de la désobéissance à Allah, en se basant sur une lumière venant d'Allah, et en craignant par là le châtiment d'Allah, la lumière venant d'Allah qui est mentionnée par Talq ibn Habib, c'est la lumière de la science tirée du Coran et de la Sunna, selon la compréhension des plus prédécesseurs de cette communauté. Et c'est également la lumière de la foi. Sache donc que ce principe de taqwa, de crainte révérentielle, c'est le but à rechercher derrière la concrétisation de l'adoration. Garde donc cela à l'esprit et sache que c'est cela que tu dois rechercher dans tes adorations de manière générale, en particulier dans l'adoration du jeûne. Il est donc impératif de mentionner et de préciser cela avec l'intention de se rapprocher d'Allah. Les piliers du jeûne sont donc l'abstinence, on corrige donc ici au lieu de l'abstention, on dit l'abstinence, de tous les annulatifs du jeûne, que ce soit le fait de boire, de manger ou l'ensemble des autres annulatifs. Et ce, dans la période qui a été mentionnée dans la définition. Deuxième pilier, l'intention qui consiste à chercher par le jeûne à adorer Allah, tabaraka wa ta'ala. L'intention ici a donc pour sens la sincérité vis-à-vis d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ici, c'est l'occasion d'insister sur cela, le fait de chercher dans nos adorations l'agrément, la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa récompense dans l'au-delà, et de ne pas faire de nos actes d'adoration de simples actes routiniers. Et les plus prédécesseurs de cette communauté disaient: les adorations des personnes insouciantes, en vérité, deviennent de simples actes routiniers. Alors que pour les serviteurs éveillés et pieux, les actes routiniers deviennent des actes d'adoration. Il est donc important d'avoir tout cela à l'esprit. Wallahu al-muwaffiq. Na'am. B. La place du jeûne dans la religion. Allah a rendu obligatoire le jeûne du mois de Ramadan en l'an 2 de l'Hijr. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donc jeûné à 9 reprises le mois de Ramadan. De Ramadan. Ramadan. Ramadan. Avec un ra. Ra. Le jeûne du mois de Ramadan est le quatrième pilier de l'islam. Nous remarquerons qu'Allah a diversifié les différentes adorations. En effet, certaines adorations sont purement corporelles. C'est le cas de la prière. D'autres sont uniquement liées à l'argent, comme la zakat. Et d'autres sont à la fois du premier et du second type, comme le pèlerinage. Cette diversité est un moyen qu'Allah utilise afin d'éprouver ses serviteurs. L'ensemble des ulamas de l'islam sont unanimes sur le caractère obligatoire du jeûne du mois de Ramadan et qu'il est un des piliers de l'islam. Cela est même nécessairement connu de la religion. Ainsi, celui qui le renie est un apostat et est donc sorti de l'islam. Non, ici on dira plus, l'ensemble des ulama de l'islam est unanime. Le verbe être, ici, il faut l'accorder à l'ensemble qui est au singulier et non pas à ulama qui est au pluriel. Donc on dira l'ensemble des ulama de l'islam est unanime et on supprimera le S d'unanime. Naam. Il est important de savoir que, contrairement à la prière, celui qui ne jeûne pas, tout en reconnaissant que le jeûne est un pilier de l'islam et une obligation, ne sort pas de l'islam. Nous dirons plutôt qu'il a commis un très grand péché et qu'il a mis sa religion en péril. Barakallahu fik. Le second point, dans ce premier chapitre, concerne la place du jeûne dans la religion, c'est-à-dire la place qu'occupe le jeûne dans la religion. Le fait de mettre en évidence son importance. Premièrement, Allah a rendu obligatoire le jeûne du mois de Ramadan en l'an 2 de l'Hégire. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré bon nombre d'adorations après l'Hégire. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant la période mécoise, qui a duré 13 ans, il a insisté sur l'appel au tawhid, le fait d'appeler les gens au tawhid, à l'affirmation de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il disait à son peuple, « Qulu la ilaha illallah tuflihu » Dites, « La ilaha illallah, nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah, et vous réussirez. » Il a insisté sur cela. En l'an 10, après l'avènement de la prophétie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier a été élevé au ciel. Et c'est à ce moment-là qu'a été rendue obligatoire la prière. Suite à cela, il a accompli la prière durant 3 années à la Mecque. Puis, il lui a été ordonné et la permission lui a été donnée d'émigrer de la Mecque à Médine. Il s'est donc installé à Médine. Et il a résidé à Médine durant 10 années. Et c'est durant ces 10 années que l'ensemble des autres pratiques cultuelles de l'islam ont été légiférées. C'est le cas du jeûne du mois de Ramadan, qui a été rendu obligatoire en l'an 2 de l'Hégire. Le prophète a donc jeûné à 9 reprises le mois de Ramadan, sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, il est opportun d'attirer l'attention vers le fait que ces 9 mois de Ramadan, que le prophète alayhi salatu wasalam a jeûné, ont eu lieu. Il a jeûné pendant 9 ans. C'est 9 mois de Ramadan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné en eu lieu durant une période estivale. Et c'est là peut-être un moyen d'encourager les gens qui sont amenés à jeûner du fait que cette année encore, le mois de Ramadan tombe durant l'été. Également, le jeûne du mois de Ramadan, c'est le 4e pilier de l'islam. Comme cela est mentionné dans le hadith de Jibril, qui est connu, qui a été rapporté par Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, l'émir des croyants, qui a dit, alors que nous étions assis auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se présenta un homme aux cheveux très noirs et aux vêtements à la blancheur éclatante. Il ne portait sur lui aucune trace de voyage et personne parmi nous ne le connaissait. Il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il s'est assis devant lui et a posé ses genoux face aux siens et a posé ses mains sur ses cuisses et il lui a dit « Ô Mohammed, informe-moi sur l'islam ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors répondu, l'islam, c'est que tu attestes que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Que tu accomplisses la prière, que tu t'acquittes de l'aumône obligatoire, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu accomplisses le pèlerinage à la maison sacrée, si tu en as la capacité, jusqu'à la fin du hadith, dans lequel ont été abordés tour à tour la foi, l'iman, l'excellence al-ihsan, ainsi que l'avènement de l'heure et ses signes précurseurs. Donc tu retrouves ici le fait que le jeûne du mois de Ramadan, c'est le quatrième pilier de l'islam. Et nous remarquerons qu'Allah a diversifié les différentes adorations, notamment les différents piliers. En effet, certaines adorations sont purement corporelles. C'est le cas de la prière. Naam. D'autres sont uniquement liées à l'argent. C'est le cas de la zakat, l'aumône obligatoire. Et d'autres sont à la fois du premier et du second type, comme le pèlerinage. En effet, le pèlerinage, il est à la fois lié à une capacité corporelle et à une capacité financière. Et cette diversité est un moyen qu'Allah utilise afin d'éprouver ses serviteurs. En effet, certains parmi les serviteurs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sont plus enclins à accomplir tel ou tel type d'adoration que d'autres. Certains sont plus enclins à accomplir des adorations d'ordre corporel, telles que la prière. À côté de cela, il est possible que tu en trouves certains qui sont touchés par l'avarice et qui vont avoir du mal à sortir de l'argent. D'autres qui n'ont aucun mal à faire preuve de générosité et qui n'auront donc aucun mal à verser l'aumône obligatoire, mais qui font preuve d'une certaine paresse face aux obligations d'ordre corporel, telles que la prière. Et au final, il est obligatoire de se soumettre aux ordres d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Cette diversité, c'est donc un moyen utilisé par Allah, tabaraka wa ta'ala, pour éprouver ses serviteurs, lequel d'entre eux se soumettra le mieux à lui, subhanahu wa ta'ala. Également, parmi les points abordés ici, le fait que l'ensemble des ulama est unanime sur le caractère obligatoire du jeûne du mois de Ramadan, qu'il est un des piliers de l'islam. Cela est même nécessairement connu de la religion, dans le sens où tout un chacun parmi les musulmans reconnaît le caractère obligatoire du jeûne du mois de Ramadan et également le fait que c'est un des piliers de l'islam. Ainsi, celui qui renie cela est un apostat. Un apostat dans le sens où il est sorti de l'islam. Car le fait de renier ce qui est nécessairement connu de la religion constitue un des motifs d'apostasie qu'Allah nous en préserve. Autre point, celui qu'il est important de savoir, que contrairement à la prière, celui qui ne jeûne pas tout en reconnaissant que le jeûne est un des piliers de l'islam et que c'est une obligation, ne sort pas de l'islam. Nous dirons plutôt qu'il a commis un très grand péché et qu'il a mis sa religion en péril. En effet, et nous avons déjà eu l'occasion d'aborder cela, la prière se particularise par le fait que celui qui ne l'accomplit pas et qui la délaisse sort de l'islam même s'il reconnaît son caractère obligatoire. Et ce, selon l'avis prépondérant parmi les avis des ulama. Il y a d'ailleurs une divergence à ce sujet-là. Certains parmi les ulama de l'islam considère que le fait de délaisser la prière tout en reconnaissant son caractère obligatoire ne fait pas sortir de l'islam. Il considère cela plutôt comme étant un grand péché. Et d'autres parmi les ulama de l'islam considèrent que celui qui délaisse la prière, même s'il reconnaît son caractère obligatoire, eh bien il est sorti de l'islam. Et c'est ce dernier avis que l'on retiendra et pour lequel on va opter. Car c'est celui qui, wallahu a'lam, est le plus en accord avec les preuves et les textes du Coran et de la Sunna, selon la compréhension des prédécesseurs de la communauté. Cependant, il est important de mentionner qu'il y a une divergence à ce sujet-là. À à une époque où certains sectaires voudraient faire croire que les savants sont unanimes quant au fait que celui qui délaisse la prière par paresse, tout en reconnaissant son caractère obligatoire et mécréant, selon l'unanimité de ulama, selon eux. Or, ce consensus-là n'est pas effectif. Et il n'y a rien qui le prouve. À partir de là, et c'est là leur objectif, ils en arrivent à taxer d'innovateurs quiconque viendrait à soutenir le fait que celui qui prétend que celui qui délaisse la prière par paresse tout en reconnaissant son caractère obligatoire n'est pas forcément mécréant, ils disent donc que c'est un innovateur. Et ça n'est pas, cela n'est pas correct. Il est important de garder à l'esprit cette divergence-là. Même si on sélectionne l'avis, qu'on opte pour l'avis selon lequel celui qui délaisse la prière sort de l'islam, même s'il reconnaît son caractère obligatoire. C'était là une parenthèse qu'il est important d'ouvrir et un point qu'il est important de soulever et sur lequel il est primordial d'insister. Donc il est important de savoir que contrairement à la prière, celui qui ne jeûne pas tout en reconnaissant que le jeûne est un des piliers de l'islam et que c'est une obligation, ne sort pas de l'islam. Nous dirons plutôt qu'il a commis un très grand péché et qu'il a mis sa religion en péril. Donc le fait que nous disions que ce n'est pas de la mécréance, ça ne signifie pas que l'on minimise de la gravité de cette chose-là. Naam. C'est les différents types de jeûne. Le jeûne est de deux types, obligatoire et surérogatoire. Le jeûne obligatoire est de trois sortes. A, le jeûne du Ramadan, le jeûne d'expiation et le jeûne dû à un vœu. Nous traiterons ici, si Allah le veut, le jeûne du Ramadan et du surérogatoire. Naam, les différents types de jeûne. Le jeûne est de deux types, obligatoire et surérogatoire. Quand on parle de jeûne obligatoire, il faut savoir qu'il y a trois sortes de jeûne obligatoire. Le jeûne du Ramadan, c'est celui qui est visé à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala que vous avez entendu. Ya ayyuha alladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez la foi, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui sont venus avant vous, afin que vous atteigniez la crainte révérentielle. Mais également, parmi les sortes de jeûnes obligatoires, il y a le jeûne d'expiation, al-kaffarat, et le jeûne dû à un vœu, al-nadr. Et nous traiterons ici, si Allah le veut, du jeûne du Ramadan. Donc, parmi les sortes de jeûnes obligatoires, on va traiter du jeûne du Ramadan. Et on aura l'occasion également, à la fin de ce livret, d'aborder le cas du jeûne surérogatoire. Non, dites. D. Le mérite du jeûne du mois de Ramadan et ses sagesses. D'après Abu Huraira radiallahu an, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prie la nuit du destin avec foi et espoir de la récompense, ses péchés lui seront pardonnés. Et celui qui jeûne Ramadan avec foi et espoir de la récompense, ses péchés lui seront pardonnés. Et d'après Abu Huraira radiallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit: les cinq prières rituelles, la prière du vendredi jusqu'à celle du vendredi suivant, le Ramadan jusqu'au suivant, expie ce qu'il y a entre eux, si les grands péchés sont écartés. 9. Parmi les sagesses du jeûne, la purification de l'âme, le délaissement de la vie d'ici-bas et de ses passions, et le vif désir de l'au-delà et de ses délices, la compassion envers les pauvres et les nécessiteux. Barakallahu fik. Ici, nous abordons le mérite du jeûne du mois de Ramadan et ses sagesses. Après avoir mentionné la place qu'occupe le jeûne dans la religion, et après avoir mis en évidence le fait que c'est là quelque chose d'obligatoire, que c'est même un des piliers de l'islam, il est important également de mettre en évidence le mérite du jeûne du mois de Ramadan. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prie la nuit du destin, Laylat al-Qadr, Laylat al-Qadr, c'est la nuit du destin. La nuit du destin, c'est une traduction approximative de Laylat al-Qadr. Car il faut savoir que al-Qadr, ça signifie à la fois le destin et à la fois le mérite. Al-Qadr, c'est le mérite. Quand tu dis le Qadr d'une chose, c'est son mérite. Qadr al-Shay, c'est le mérite de la chose. Donc il faut savoir que Laylat al-Qadr, elle est appelée ainsi du fait que c'est la nuit du destin. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, en parlant de Laylat al-Qadr, quand son saint y est prédestiné et décrété tout ordre sage, mais c'est également une nuit de grand mérite. Laylat al-Qadr khayrun min alf shahr. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Donc, Laylat al-Qadr, ça a ses deux sens. Na'am. Et c'est là la richesse de la langue arabe. Avec un seul mot, tu peux viser deux sens. Et donc, forcément, en français ou dans toute autre langue, tu vas être limité. Donc, nuit du destin, c'est une traduction approximative et partielle du sens voulu ou des sens voulus dans Laylat al-Qadr. Celui qui prie la nuit du destin, on aurait pu dire celui qui prie Laylat al-Qadr et expliquer en marge ce que cela désigne. Et peut-être qu'on aura l'occasion de le faire dans l'édition prochaine, en même temps qu'on corrigera certaines erreurs et approximations. Et ma'alish, petite parenthèse. C'est une bonne chose qu'on aborde la lecture de ce livre-là, que j'ai eu l'occasion d'écrire, enfin de résumer du moins, car c'est l'occasion également de corriger des choses que j'ai pu écrire moi-même. Je suis amené parfois, donc, comme on a pu le faire avec les autres livres qu'on a lus, les commentaires, les traductions des commentaires du Cheikh Najmi, de Thalathat al-Usul, ou de Arba al-Qawa'id, ou de Sittat al-Usul, Nawaqid al-Islam, ou encore le commentaire du Cheikh Abd al-Muhsin al-Abbad, des 40 hadiths d'al-Nawawi, je suis amené parfois à proposer des corrections de ce qu'ont pu proposer les traducteurs, donc c'est l'occasion ici de dire que c'est pas donc par souci de corriger les autres, le but c'est d'arriver à la chose la plus proche et la plus correcte, religieusement parlant. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala l'ikhlas, la sincérité, et on lui demande, subhanahu wa ta'ala, de nous assister et de nous aider. Donc celui qui prie, Laylat al-Qadr, et vous savez à présent à quoi correspond Laylat al-Qadr et ce que cela signifie, avec foi et espoir de la récompense, ses péchés lui seront pardonnés. Et celui qui jeûne Ramadan, avec foi et espoir de la récompense, ses péchés lui seront pardonnés. Donc, c'est là un grand mérite. Et également, c'est l'occasion d'insister sur la dimension que doit prendre ton jeûne de Ramadan. Tu dois jeûner avec foi et espoir de la récompense. Et ce ne doit pas être quelque chose de juste routinier. Et celui qui jeûne Ramadan avec foi et espoir de la récompense, ses péchés lui seront pardonnés. Et d'après Abu Hurayra, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit: les 5 prières rituelles, la prière du vendredi jusqu'à celle du vendredi suivant, le Ramadan jusqu'au suivant, expient ce qu'il y a entre eux si les grands péchés sont écartés, et c'est là donc la condition à l'obtention de cela. Également, parmi les sagesses du jeûne, le fait de mentionner les sagesses qui résident dans les différentes sortes d'adorations légiférées par Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il nous a ordonné d'accomplir, c'est l'occasion de faire augmenter la foi du serviteur et sa certitude bien que ce dernier se doit de se soumettre à Allah tabaraka wa ta'ala en lui obéissant dans ce qu'il a ordonné et en s'écartant de ce qu'il a interdit, même s'il ne connaît pas là où les sagesses qui résident dans ces ordres ou dans ces interdits-là. Car le croyant, il a la ferme conviction qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne légifère rien sans qu'il n'y ait dans cette législation des sagesses éminentes. Et s'il n'arrive pas à cerner ces sagesses-là, il a la ferme conviction qu'il y a des sagesses que lui, il n'a pas réussi à cerner. Et c'est là ce qui distingue le croyant de celui qui doute. Le croyant, il a la certitude qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne légifère rien sans qu'il n'y ait dans cette législation de la sagesse et sans que cette législation soit empreinte de science et de savoir venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi les sagesses du jeûne, la purification de l'âme. Sache que en jeûnant, tu es en train de purifier ton âme. Également le délaissement de la vie d'ici-bas et de ses passions et le vif désir de l'au-delà et de ses délices. Le fait de faire preuve d'abstinence face aux annulatifs du jeûne, le fait de boire, de manger, ainsi que l'ensemble des autres annulatifs, ça te permet de t'habituer à délaisser ce qui, au final, relève des habitudes de la vie d'ici-bas et ses passions. Et le vif, et c'est en train à faire preuve de vif désir dans l'au-delà et également à rechercher, avec à visiter les délices de l'au-delà. Troisièmement, ça permet de faire preuve de compassion envers les pauvres et nécessiteux. Car en jeûnant, tu ressens ce que les pauvres et nécessiteux ressentent. Et ça te permet de faire preuve de compassion vis-à-vis d'eux. Et bien sûr, ces sagesses ne pourront être atteintes que par celui qui fait de son jeûne une véritable adoration. Contrairement à certaines personnes qui cherchent uniquement à se débarrasser de quelque chose qu'elles considèrent comme étant coutumier et comme étant quelque chose d'hérité des traditions des ancêtres et qui n'ont pas saisi la dimension cultuelle que revêt l'adoration du jeûne qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous assiste et nous facilite. Les conditions de l'obligation du jeûne. Ces conditions sont en nombre de 6. A, l'islam. B, la puberté. C, la raison. D, la santé ou la capacité. E, la résidence. Quant à la 6e condition, elle concerne la femme et consiste à F, être exempt du sang, des règles et des louchis. Le jeûne n'est pas obligatoire pour le mécréant et n'est de toute façon pas valide venant de lui. Donc, le 10e point, c'est le résumé de ce qui va être mentionné dans les 2 pages qui suivent. Et ce qui est dans les 2 pages qui suivent, c'est un développement de ce que vous trouvez dans ce 10e point. Dans ces 6 conditions qui constituent les conditions de l'obligation du jeûne. Et s'il embrasse l'islam ? Donc le jeûne n'est pas obligatoire pour le musulman, le jeûne n'est pas obligatoire pour le mécréant, et n'est de toute façon pas valide venant de lui. Non, mais s'il embrasse l'islam, il ne sera pas tenu de rattraper les jours non jeûnés. Cela ne signifie pas qu'il n'est pas concerné par cette obligation. En effet, les mécréants sont concernés, selon l'avis le plus juste. Si Allah le veut, par les obligations religieuses, dans le sens qu'ils seront châtiés pour leur délaissement. Parmi les preuves de cela, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Illa ashab al-yamin. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. نعم. Sauf les gens de la droite. Dans des jardins, ils s'interrogeront au sujet des criminels. Qu'est-ce qui vous a acheminé à Sakar? Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salate et nous ne nourrissions pas les pauvres. بارك الله فيك. Les conditions de l'obligation du jeûne, elles sont au nombre de 6. L'islam, la puberté, la raison, la santé, autrement dit la capacité. La résidence, quant à la 6e condition, elle concerne la femme et consiste à être exempte du sang des règles et des lochis. Le jeûne n'est pas obligatoire pour le mécréant. Et nous venons de voir que parmi les conditions de l'obligation du jeûne, il y a premièrement l'islam. Donc le jeûne n'est pas obligatoire pour le mécréant. Et n'est de toute façon pas valide venant de lui. Car au préalable, il se doit d'embrasser l'islam. Et s'il ne le fait pas, alors même s'il venait à jeûner, eh bien son jeûne ne serait pas valide. Et s'il embrasse l'islam, il ne sera pas tenu de rattraper les jours non jeûnés. Cela ne signifie pas qu'il n'est pas concerné par cette obligation. En effet, les mécréants sont concernés selon l'avis le plus juste, si Allah le veut. Et c'est là donc une manière de faire référence au fait qu'il y a divergence dans le sujet. Les mécréants sont concernés par les obligations religieuses, dans le sens qu'ils seront châtiés pour leur délaissement. Parmi les preuves de cela, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sourate Al-Muddathir, illa ashab al-yamin fi jannatin yatasa'alun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min al-musallin wa lam nakum nut'imu al-miskin. Sauf les gens de la droite, dans des jardins ils s'interrogeront au sujet des criminels. Qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar? Ils diront: nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière et nous ne nourrissions pas le pauvre. Donc rends-toi compte ici qu'ils vont être châtiés et que la cause de ce châtiment-là, c'est entre autres le fait qu'ils aient délaissé certaines obligations parmi les obligations de l'islam, en plus que le fait qu'ils n'aient pas embrassé l'islam. Donc, les musulmans, les mécréants sont concernés par cette obligation-là, selon l'avis le plus juste. Et il faut savoir que si le musulman est amené à être châtié à cause du fait qu'il ait délaissé certaines obligations de l'islam, alors à plus forte raison, le mécréant va être châtié à cause du fait qu'il ait délaissé certaines de ses obligations. Naam. Le jeûne n'est pas obligatoire pour l'impubère. Cependant, il est valide venant de lui à partir de l'âge du discernement. Il est d'ailleurs recommandé que le responsable de l'enfant l'incite à jeûner s'il en a la capacité, afin qu'il s'y habitue. Le garçon est considéré pubère par l'une des trois choses suivantes. A. La pilosité pubienne. B. La sécrétion spermatique avec désir. C. L'âge de ses 15 ans, ajoutant concernant la fille la manifestation du sang des règles. Barakallahu fik. Ici donc nous abordons la deuxième des conditions, à savoir la puberté. Il faut savoir que le jeûne n'est pas obligatoire pour l'impubère. Ça c'est un premier point. Deuxième point cependant, il est valide venant de lui à partir de l'âge du discernement. Et vous trouvez en note que cet âge-là correspond approximativement à l'âge de 7 ans. Donc il y a une distinction à faire entre le fait que cette adoration devienne obligatoire et le fait qu'elle soit valide. Elle est valide à partir du discernement, mais elle ne devient obligatoire qu'à partir de la puberté. Et nous allons voir, et vous l'avez déjà entendu, ce qui permet de reconnaître la puberté du garçon et de la fille. Un autre point, c'est qu'il est recommandé que le responsable de l'enfant l'incite à jeûner, même s'il n'est pas pubère, à partir de l'âge du discernement, s'il en a la capacité, afin qu'il s'y habitue. Et ce, afin que, lorsque le jeûne lui devient obligatoire, et qu'il se met donc à jeûner, que ce ne soit pas quelque chose de trop contraignant, qu'il n'a pas du tout l'habitude de faire. Il est donc opportun de l'habituer avant même que cela devienne obligatoire, s'il en a la capacité, à jeûner. Autre point, c'est là le quatrième. Le fait que le garçon est considéré pubère par l'une des trois choses suivantes. Premièrement, la pilosité pubienne. La pilosité pubienne, ce sont les poils qui poussent autour du pubis. Deuxièmement, la sécrétion spermatique avec désir. Et troisièmement, l'âge de ses 15 ans. L'âge de ses 15 ans, c'est-à-dire que si la pilosité pubienne ne s'est pas manifestée, et que ne s'est pas non plus manifestée la sécrétion spermatique avec désir, alors le fait que l'enfant arrive à l'âge de ses 15 ans lui rend obligatoire le fait de jeûner. Et également, lui rend obligatoire le fait de se décharger des autres obligations telles que la prière et ainsi de suite. Ici, il y a un point important à mentionner, c'est qu'il faut se baser dans cela sur le calendrier égyrien. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un écart entre l'âge selon le calendrier égyrien et l'âge selon le calendrier grégorien. Et que l'âge selon, ou que le calendrier égyrien a tendance à vieillir. La personne. Donc, il faut se baser sur le calendrier égyrien et ne pas se baser sur le calendrier grégorien. Sinon, il est possible que tu considères que l'enfant n'est pas redevable du jeûne, alors que peut-être qu'il en est redevable. C'est là donc une précision à laquelle il faut être attentif. Ajoutons concernant la fille la manifestation du sang des règles. La manifestation du sang des règles. Il est donc important que les parents sensibilisent leurs enfants sur ces choses-là. Et il ne faut pas que cela soit tabou. Aïcha radiallahu anha disait: quelle bonne femme qu'étaient les femmes des Ansar. Ansar, ce sont les auxiliaires, ceux qui ont accueilli et secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons qui ont émigré de la Mecque à Médine. Aïcha disait: quelle bonne femme qu'étaient les femmes des Ansar. La grande pudeur dont elles faisaient preuve ne les empêchait pas de s'instruire en matière de religion. Et certaines parmi les femmes, lorsqu'elles posaient des questions, elles disaient: Inna Allah la yastahi min al-haq. Allah n'a pas honte de la vérité. Ensuite, elles posaient leurs questions, même si ces questions étaient parfois d'ordre intime. Mais cela ne les empêchait pas de s'instruire en matière de religion. Et c'est l'occasion ici d'attirer l'attention vers la caducité d'une parole qui est répandue et qui est qu'il n'y a pas de pudeur en religion. Et ça, c'est quelque chose de faux. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été rapporté de manière authentique de lui, a dit: la foi, c'est 70 et quelques branches. La plus haute de ces branches-là, c'est le fait de dire la ilaha illallah. Et la plus basse, c'est le fait d'ôter ce qui pourrait porter préjudice sur la route. Et la pudeur est une des branches de la foi. Donc la pudeur, c'est une des branches de la foi. Ça fait donc partie intégrante de la foi. Et le fait de dire qu'il n'y a pas de pudeur en religion est donc quelque chose de faux. Et afin d'exprimer le sens voulu, lorsque cela est prononcé, il convient d'opter pour ce que nous avons mentionné précédemment, à savoir « Inna Allah la yastahi min al-haq ». Certes, Allah n'a pas honte de la vérité. Non. Donc, on récapitule. La pilosité pubienne, la sécrétion spermatique avec désir. Non. Concernant la fille, la manifestation du sang des règles. Et si cela n'a pas lieu et que l'enfant est arrivé à l'âge des 15 ans, alors il est considéré comme étant pubère, comme l'ont mentionné les ulama. 13. Le jeûne du fou et du démon n'est ni obligatoire ni valide. Le cas de la personne qui aurait perdu la raison suite à un accident varie selon son état. Si son état est similaire à celui de la personne qui s'est évanouie et qui est amenée à retrouver ses esprits, elle devra rattraper les jours non jeûnés. S'il est comme celui de l'handicapé mental, alors il ne lui incombera pas de jeûner. Quant à celui qui perd la raison de temps en temps, il jeûnera les jours au cours desquels il a sa raison, tandis que durant les autres jours, cela ne sera pas une obligation pour lui. Non, le jeûne du fou et du démon n'est ni obligatoire ni valide. Cela est l'occasion d'expliquer quelque peu la troisième condition que nous avons mentionnée. Qui c'est qui peut nous rappeler la première? La première condition, c'était l'islam. La deuxième, non, la puberté. Et la troisième, la raison. Donc nous abordons cette troisième condition en disant que le jeûne du fou et du dément n'est ni obligatoire ni valide. Suite à cela, deux cas de figure principaux ont été mentionnés. Le premier, c'est le cas de la personne qui aurait perdu la raison suite à un accident. Et le second, c'est celui qui perdrait la raison de temps en temps. Le premier cas de figure comporte deux autres cas de figure. Premièrement, si la personne qui a perdu la raison suite à un accident est dans un état similaire à celui de la personne qui s'est évanouie et qui est amenée à retrouver ses esprits, alors elle devra rattraper les jours non jeûnés. C'est le cas d'une personne qui aurait été victime d'un accident et qui tomberait durant plusieurs jours dans le coma, mais qui est amenée à retrouver ses esprits. Deuxième cas de figure qui concerne la personne qui aurait perdu la raison suite à un accident, c'est le cas de la personne qui se retrouverait comme un handicapé mental. Cette personne-là, il ne lui incombera pas de jeûner. Donc il y a une distinction à faire entre ces deux cas de figure qui concernent la personne qui aurait perdu la raison suite à un accident. Deuxième cas de figure, donc parmi les deux cas principaux, celui de la personne qui perd la raison de temps à autre. Cette personne-là jeûnera les jours au cours desquels elle a sa raison, tandis que durant les autres jours, cela ne sera pas une obligation pour elle de jeûner. Et cela est relativement clair. Walillahi alhamd. Naam. Il existe deux cas de figure concernant le jeûne vis-à-vis du jeûne, le malade vis-à-vis du jeûne. Naam, il existe deux cas de figure concernant le malade vis-à-vis du jeûne. Premier cas, celui dont la maladie est passagère. Si elle est légère, à tel point qu'elle ne l'empêche en rien de jeûner, alors il lui est obligatoire de jeûner. Naam, c'est là donc un premier cas. Par contre, si elle est plus importante et qu'elle influe sur sa capacité à jeûner, alors le malade a la possibilité de rompre et il rattrapera son jeûne plus tard. Deuxième cas, celui dont la maladie est incurable et qui ne peut pas jeûner. Celui-là devra nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Nous verrons tout cela en détail si Allah le veut plus tard. Naam. Ici donc, nous abordons la quatrième condition qui n'est autre que la santé ou la capacité. Après avoir mentionné l'islam, la puberté et la raison, nous avions mentionné la santé ou la capacité. Et ici, c'est l'occasion de manière résumée d'aborder certains points liés à cette quatrième condition. Il existe deux cas de figure concernant le malade. Le malade, donc, c'est celui qui n'a pas la santé vis-à-vis du jeûne. Premier cas, celui dont la maladie est passagère. Deuxième cas, celui dont la maladie est incurable. Celui dont la maladie est passagère, il peut se retrouver dans un des deux cas de figure suivants. Soit sa maladie qui est passagère est une maladie qui est légère, à tel point qu'elle ne l'empêche en rien de jeûner. Soit cette maladie, bien qu'elle est passagère, est plus importante et elle influe sur sa capacité à jeûner. Dans le premier cas, jeûner restera obligatoire, étant donné que la maladie est passagère et qu'elle est légère et qu'elle ne l'empêche en rien de jeûner. Et dans le deuxième cas, la personne aura la possibilité de rompre. Et si jamais elle opte pour le fait de rompre, alors elle devra rattraper son jeûne plus tard, une fois le mois de Ramadan terminé. Quant à la personne dont la maladie est incurable et qui ne peut pas jeûner, donc le fait de dire qu'elle ne peut pas jeûner, ça exclut la personne qui serait atteinte d'une maladie incurable, mais dont la maladie ne l'empêcherait en rien de jeûner. Donc ici, la personne, elle est touchée par une maladie incurable, et cette maladie l'empêche de jeûner. Alors à ce moment-là, elle ne jeûnera pas, et elle devra nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné, et nous verrons tout cela en détail, si Allah le veut, plus tard. Le jeûne n'est pas obligatoire aux voyageurs. Il a donc, en toutes circonstances, la possibilité de ne pas jeûner. D'ailleurs, les ulamas sont unanimes sur ce point. Cependant, différents cas de figure existent. Et selon ces derniers, le jugement religieux du jeûne ou de sa rupture variera. De manière générale, nous disons que le préférable est ce qui est le plus aisé pour la personne. Nous aborderons également le cas du voyageur en détail, si Allah le veut. Naam. Donc le jeûne n'est pas obligatoire aux voyageurs. Et c'est là l'occasion d'aborder la cinquième des conditions que nous avions abordées. Après l'islam, la puberté, la raison, la quatrième c'était la santé ou la capacité. Et la cinquième c'était la résidence. Et cette cinquième condition qui n'est donc pas remplie par le voyageur. C'est pour cela que le jeûne n'est pas obligatoire aux voyageurs. Il a donc en toutes circonstances, la possibilité de ne pas jeûner, à partir du moment qu'il est réellement en voyage, et ça, on va le mentionner plus tard, incha'Allah. D'ailleurs, les ulama sont unanimes sur ce point, c'est-à-dire sur le fait que le voyageur a, en toutes circonstances, la possibilité de ne pas jeûner. Cependant, différents cas de figure existent, et selon ces derniers, le jugement religieux du jeûne ou de sa rupture variera. C'est-à-dire que dans certains cas, il sera obligatoire de rompre. Dans d'autres, il sera préférable de rompre. Et donc, dans certains cas, il sera interdit de jeûner, et dans d'autres, il sera préférable de ne pas jeûner. Et selon ces derniers, le jugement religieux du jeûne ou de sa rupture variera, de manière générale, nous disons que le préférable est ce qui est le plus aisé pour la personne. Nous aborderons également le cas du voyageur en détail, incha'Allah. 16. Il est interdit de jeûner à la femme en période de règles ou de louchis. Elle devra par ailleurs rattraper le nombre de jours non jeûnés. L'imam al-Bukhari a rapporté d'après Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri, na'am. Radiallahu anhu. Radiallahu anhu. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam interrogea les femmes en leur disant « Celle parmi vous qui est en période de règles, ne s'abstient-elle pas de prier et déjeuner ?» Elles répondirent « C'est vrai. » Il leur dit alors « C'est cela leur faiblesse dans la religion. » Barakallahu fik. La sixième des conditions, c'était une condition qui est spécifique aux femmes. Cette sixième condition, c'était le fait que la femme soit exempte de l'écoulement du sang des règles ou des lochis. Le sang des règles est connu. Quant au sang des lochis, plutôt les lochis, c'est un écoulement de sang qui fait suite à l'accouchement. Comme vous le trouvez ici, dans la marge, et on peut rajouter que cet écoulement de sang peut également se manifester un ou deux jours avant l'accouchement. En effet, l'écoulement de sang sera considéré à ce moment-là comme faisant partie des lochis, s'il est accompagné de contractions. C'est-à-dire que si la femme, elle constate un ou deux jours avant l'accouchement un écoulement de sang, et que cet écoulement de sang est accompagné de contractions, alors il faut savoir que ce sang est considéré comme faisant partie d'Elohim. Et comme nous le voyons ici, il est interdit de jeûner à la femme en période de règles ou de loshi. Elle devra par ailleurs rattraper le nombre de jours non jeûnés. L'imam al-Bukhari a rapporté d'après Abu Sa'id al-Khudri que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interrogea les femmes en leur disant « Celle parmi vous qui est en période de règles ne s'abstient-elle pas de prier et de jeûner ?» Elles répondirent « C'est vrai. » Il leur dit alors « C'est cela leur faiblesse dans la religion. » Et on va s'en tenir à cela pour aujourd'hui et nous aurons l'occasion d'achever la lecture de ce premier chapitre demain, Incha'Allah ta'ala, et de continuer avec la lecture du second en demandant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 20h30, incha'Allah ta'ala, pour l'intervention du Shir Arafat al-Muhammadi, que nous aurons l'occasion de diffuser en direct en ces lieux, et que nous tenterons de traduire après la prière d'El Maghreb. Et c'est là une occasion à ne pas rater, l'occasion de se réunir, même si c'est à distance, avec les gens de science, les ulama, les mashayikhs, et les étudiants en sciences. Et c'est là donc une grande occasion, et comme il fut dit, une force, sari'at al-fawt wa bati'at al-awda. L'occasion, elle est prompte à s'en aller et très lente à revenir. Et comme le dit le Cheikh Abdullah al-Bukhari, il dit, quant à moi, je rajoute, et il est même fort probable qu'elle ne se représente jamais. Donc les occasions, il ne faut pas les rater, les occasions de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala en se réunissant afin de se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala et afin de profiter des orientations et des conseils et recommandations des gens de science. Et c'est là la base, barakallahu fikum. Quant à ce que nous faisons ensemble comme lecture de livres ou de traductions, c'est là un moyen de se réunir, d'entretenir la foi, d'aborder des bases de la religion, d'apprendre certains des rudiments de l'islam, mais cela ne doit pas nous faire oublier l'impérativité du fait d'en revenir aux gens de science. Wallahu al-mu'in, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.